Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Bon, nous allons ensemble parler de ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Luc au chapitre 13, parce que ça nous concerne tous. Voici ce que Jésus dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est Jésus qui parle. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer par la porte, mais ne pourront pas. Beaucoup. Mais pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que toute personne soit sauvée. C'est sa volonté. Mais beaucoup cherchent à entrer par cette porte étroite. Mais ces personnes ne pourront pas. Pourquoi? Nous allons essayer de voir ça cas par cas. Je vais lire dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Non, c'est plutôt 1 Jean chapitre 2, au verset 15. 1 Jean 2, 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce que tout enfant de Dieu doit vraiment avoir 24 heures sur 24 dans sa tête, c'est qu'il n'est pas du monde. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. Même si, avec les mondains, on est dans les mêmes entreprises, on va dans les mêmes écoles, on va au même supermarché faire des courses, on porte les mêmes habits, d'accord? On habite les mêmes appartements, les mêmes maisons, on roule les mêmes voitures. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes étrangers et voyageurs. Tu n'es pas d'ici, ma soeur. C'est-à-dire que sur terre, nous avons les païens et les élus, les enfants de Dieu. Tu n'es pas du monde. Même si avec les mondains, vous faites les courses dans les mêmes supermarchés, même si vous allez dans les mêmes écoles, même si vous habitez les mêmes villages, les mêmes villes, mais tu n'es pas du monde. C'est très important. Tu n'es pas du monde. Je continue, je lis. Je vais lire dans 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 7. Il est écrit. Dieu te dit ceci. Tu n'as rien à porter dans le monde. Tu n'emporteras rien. Le jour de ta naissance, tu es sorti nu du ventre de ta mère. Et le jour de ta mort, tu n'amèneras rien. C'est ce que Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 7. Tu n'amèneras rien. Tu as des insomnies la nuit, tu as des projets. Tu n'arrives même plus à dormir. Tu es obsédé par tes projets et pourtant tu n'amèneras rien. Tu seras seul dans le cercueil. Dieu te dit, quand tu es né, tu n'avais rien. Quand tu partiras, tu n'amèneras rien. Tu n'es pas du monde. Tu n'es qu'étranger et voyageur. Ne suis pas les mondains. La Bible dit, si donc tu as la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Parce que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la rue la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Des chrétiens possédés par l'amour de l'argent se sont égarés loin de la foi. Si tu accrois à l'argent, si tu adores l'argent, tu perdras ta foi. L'amour de l'argent a amené beaucoup à perdre leur foi. Mais ce sont des personnes qui avaient la foi au départ, comme toi et moi. Ils avaient la foi. Mais comme ils sont tellement accrochés à l'argent, que l'amour de l'argent a fini par les amener loin de la foi. Et la Bible dit dans Timothée que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges, dans la tentation. La tentation vient du diable. C'est Satan qui tend les pièges pour t'avoir. Donc ces chrétiens qui avaient tellement le désir de s'enrichir, Satan a dit, ok, comme vous voulez les biens matériels de la terre, comme vous voulez l'argent, comme vous voulez être riche, il a balancé des pièges. Il a envoyé la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir, souvenez-vous de ce que le diable a dit à Jésus-Christ. Si tu m'adores, regarde les richesses de la terre. Regarde tout ça, je te le donne. Et quand le diable voit un chrétien qui est obsédé, qui a envie de s'enrichir, il dit, ok, je t'attends au tournant. Il commence à le séduire. Tentation, piège. Et donc, animés par l'amour de l'argent, se sont éloignés de la foi. C'est des gens qui avaient la foi au départ. Ils avaient la foi. Ils croyaient. Ils avaient la foi. Mais à cause de l'amour de l'argent, les choses de la terre, ils ont fini par perdre la foi. Je vais lire dans Marc chapitre 8 au verset 35. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Celui qui voudra sauver sa vie. Lorsque tu as reçu Jésus, Jésus t'a trouvé avec un certain train de vie. Tu avais tes boîtes de nuit, le week-end, tu avais ton programme, tu organisais ta vie, tu avais un style de vie, tu pouvais fumer ta cigarette, tu pouvais boire de l'alcool, tu pouvais avoir des copines de gauche à droite, tu pouvais faire comme tu veux. Mais quand Jésus vient en toi, Jésus te dit, ces choses-là, il faut arrêter. Parce que tu m'appartiens maintenant. Tu n'appartiens plus au monde. Donc il faut sortir du monde. Il faut sortir de ce train de vie. Mais vous avez des chrétiens qui disent, ah non, ça c'est ma vie. Moi, je mets un pied à l'église et il conserve sa vie. La vie qu'il menait avant de connaître Christ. Il ne veut pas perdre sa vie. Mais Jésus dit, celui qui ne veut pas perdre sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Souvenez-vous de la femme de Lot. Dieu décide de détruire Sodome et Gomorre. Lot doit sortir, lui et sa famille. Mais la femme de Lot, elle a grandi à Sodome et Gomorre. Elle faisait sa vie là-bas comme elle voulait. Et elle doit sortir, laisser ça. C'était trop lui demander. C'était trop fort. C'était insupportable pour elle. Elle dit, mon Dieu, je m'en vais où? Dieu me demande de sortir de Sodome. Toute ma vie est là-bas. Mes copines, les boîtes de nuit, la fête, la bière, les tontines. Toute ma vie. Mes amis sont restés, mes copines, mon commerce, mon poste, mon entreprise. Tout est à Sodome, ma vie est là-bas. Dieu me dit, train de sortir pour aller où? Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme la femme de Lot. Tu n'es plus du monde. Sors, sors du monde, sors, sors. Mais tu ne veux pas sortir. Tu vas à l'église dimanche, mais tu gardes ton style de vie d'avant, avant de connaître Jésus. Tu fumes la cigarette en cachette. Quand les frères, les soeurs ne sont pas là, tu bois la bière. Tu as des copains en cachette. Mais à l'église dimanche, tu danses. Alléluia, alléluia. Mais tu gardes ton train de vie. Il n'y a aucun changement en toi. Au point où même tes parents, tes copines, tes amis et connaissances ne voient aucun changement dans ta vie. Tu es la même personne. Personne ne t'a jamais dit, personne, même pas un membre de ta famille, que oh, tu as changé, oh, tu n'es plus la même personne. Parce que quand on se convertit, ça doit être visible. Les gens qui te connaissent doivent dire, oh, mais c'est comment, c'est bizarre. Tu as changé, tu n'es plus la même personne. Mais si personne, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit une amie ou un ami, si personne ne trouve en toi aucun changement, mon frère, ma soeur, ça veut dire que même si tu fréquentes l'église, tu as gardé ton train de vie d'avant. C'est pourquoi les gens ne voient pas de différence. C'est pourquoi personne ne te dit, oh, tu as changé. Parce que tu as toujours la même vie. Ils ne voient aucun changement. Tu vas à l'église dimanche, mais tu gardes ta vie, ton ancienne vie. La femme de Lot, il dit, non, ma vie c'est à Sodome. Moi, je ne peux pas vivre sans cette vie-là. Moi, je m'en vais où? Elle est morte. Parce qu'elle voulait sauver sa vie de Sodome, où elle était à l'aise, où elle avait ses habitudes. Elle ne voulait pas partir. C'était à contre-cœur. C'est pourquoi elle s'est retournée. Parce qu'elle pensait à tout ce qu'elle va perdre. Voilà. Je vais lire dans Genèse, au chapitre 19. Là, on nous parle, vous pouvez lire, hein, dans Genèse 19, là, on nous parle de la femme de Lot. Je passe à Jean, chapitre 15. Parole de Jésus-Christ. Il dit ceci, au verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous ne sommes pas du monde, bien-aimés. Même si on va à l'école avec les mondains, même si on est dans l'armée, on est dans les entreprises avec les païens, tu n'es pas chez toi ici. Tu n'es pas chez toi. Chez toi, c'est le royaume de Dieu où le Père t'a déjà préparé ta maison. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers mon Père vous préparer une demeure. Tu n'es pas chez toi. Je vais lire dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 13. La Bible nous parle ici des personnes comme toi et moi qui avaient la foi, qui croyaient en Dieu. Écoutez ce que la Bible dit au verset 13, Hébreux 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Dans la foi. Dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'étaient des hommes et des femmes de foi. Durant toute leur vie sur terre, ils savaient qu'ils étaient que de simples des étrangers, de qu'ils étaient que de passage. Le chrétien doit se sentir comme ça. Le chrétien doit être dans cet état d'esprit. Je ne suis que de passage. La Bible dit, ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. La parole de Dieu nous parle de beaucoup de promesses. Mais ceux-là, ils avaient la foi, ils ne l'ont pas dit, ah non, parce que je suis sur terre. Voilà, il faut que tout cela s'accomplisse dans ma vie. Il est écrit, ils n'ont pas obtenu les choses promises, ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Moi, je suis étranger ici. Je ne suis que de passage. Que j'ai la maison ou pas, gloire à Dieu. Je ne suis que de passage. Que j'ai construit une maison ou pas, gloire à Dieu. Je ne suis que de passage. Que j'ai un diplôme ou pas, gloire à Dieu. Je ne suis que de passage. Que j'ai une entreprise ou pas, gloire à Dieu. Je ne suis que de passage. De passage. Parce que je suis sorti du ventre de ma mère, je n'avais même pas un centime ou une paire de chaussures. On me mettra dans le cercueil, d'accord? Même si dans le jour de ma mort, on va me mettre les tenues comme font les gens. Mais cette tenue-là va pourrir avec mon corps. Je n'amène pas la tenue de l'autre côté. Parce que si vous ouvrez le cercueil après un mois, vous allez trouver la même tenue, le même costume. Le mort n'amène rien de l'autre côté. Le mort n'amène rien. Même si vous habillez le corps, il ne va pas avec. Ces habits-là restent, vont pourrir. Ces habits restent dans le cercueil. Nu, tu es sorti du ventre de ta mère. Nu, tu partiras. Tu es étranger ici, mon frère, ma soeur. Tu es étranger. Il ne faut pas suivre les païens. Ne cherche pas à faire comme eux. Eux sont chez eux ici. Nous ne sommes pas du monde. Faut pas les suivre. Faut pas te comparer à ces gens-là. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire les chrétiens qui sont obsédés par les richesses du monde, tombent dans les tentations et dans les pièges du diable. Et la Bible dit, beaucoup sont accros à l'argent, l'amour de l'argent, au point où ils se sont égarés loin de la foi. Et la Bible dit dans Timothée, si tu as le vêtement et la nourriture, ça te suffit. Dans Hébreux 11, au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Mais sans avoir obtenu les choses promises, vous vous rendez compte? Avec tout ce qu'il y a dans la Bible comme promesse, il est écrit, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Même si toutes les promesses de la Bible ne s'accomplissent pas dans ma vie, ce n'est pas grave, je ne suis que de passage. Ce n'est pas grave. Moi, je ne suis que de passage. Je suis étranger et voyageur. Je m'en vais chez moi. Mon papa m'attend dans les cieux. Ils sont morts dans la foi. Pas dans l'incrédulité. La Bible dit dans la foi. Ils avaient la foi. Et pourtant, ils n'ont pas obtenu toutes les choses promises. Mais ils n'ont pas perdu leur foi parce qu'ils n'ont pas tout obtenu. Je connais une femme qui aimait beaucoup Jésus. Elle chantait même dans la chorale. Quand elle a vu, après son mariage, que l'enfant ne venait pas. Elle a vu les gynécologues. Il n'y a pas. L'enfant ne vient pas. On a même fait in vitro. L'enfant ne venait pas. Elle a abandonné le Seigneur parce que comme elle n'a pas eu d'enfant, elle ne veut plus prier. La Bible nous parle ici des personnes qui avaient la foi et qui n'ont pas obtenu toutes les choses promises. Mais ce n'était pas leur problème. Que j'ai un enfant ou pas, gloire à Dieu. Moi, je m'en vais chez mon père. Je ne suis que de passage ici. Les autres ont construit des maisons, je n'ai pas construit, c'est pas grave. Moi, je suis de passage, je m'en vais chez mon père. Ce que papa attend de moi, c'est que j'annonce la bonne nouvelle à toute la création. C'est tout. Ils sont morts dans la foi. s'ils n'ont pas obtenu ça, même si elle n'a pas obtenu un enfant, elle est un enfant. Moi, je ne suis que le passage que Dieu donne, que Genève vient. Gloire à Dieu! Les choses de la vie ne les ont pas arrêtées. Ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais ça ne les a pas arrêtées. Ça ne les a pas amenés à perdre leur foi. Et la Bible dit dans Hébreux 11, au verset 14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Dieu a regardé comme ça. Et d'ici, si j'en ai la foi et crois-moi, je leur prépare une cité ici. Parce que leur cœur ne pense qu'à moi. Leur cœur n'est qu'à moi. Ils ont compris que c'est moi leur papa. Et alors moi, je veux leur préparer une cité ici. Parce qu'ils ont compris que sur terre, ils ne sont que de passage. L'enfant de Dieu doit comprendre que sur terre, tu n'es que de passage. Tu n'es pas un païen. Tu as un papa dans les cieux qui te prépare une cité. Même si tous les païens, vous allez faire les courses dans les supermarchés. Même si avec les païens, vous roulez les mêmes voitures. Même si avec les païens, vous travaillez dans les mêmes entreprises, dans les mêmes universités, dans les mêmes lycées. Tu n'es que de passage. C'est pourquoi Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Et que certains chrétiens qui ont le désir obsédé par les richesses du monde finissent par tomber dans la tentation et dans les pièges du diable. Et que d'autres qui sont accros de l'argent, ils adorent l'argent, ils aiment trop l'argent, ils sont prêts à tout pour l'argent, se sont égarés loin de la foi. Attention, si l'argent vraiment dans ton cœur, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, tu risques de perdre ta foi. Et si tu veux à tout prix, coûte que coûte, réussir, s'enrichir, Satan t'attend, il va te tendre les pièges pour t'avoir. Parce que le diable regarde, il dit, oh, celui-là veut les richesses, sur terre ici, moi, c'est moi qui donne les richesses. C'est ce qu'il a dit à Jésus quand Jésus faisait son jeûne. Si tu fais des courbettes devant moi, je te donne les richesses. Et quand le diable te voit, toi, enfant de Dieu, tu es obsédé par le désir de t'enrichir, le diable dit, ok, il te balance les pièges, il te tend. Et comme tu es obsédé par ça, tu tombes dans le piège. Et tu perds ta foi. Et si tu perds la foi, tu as perdu la vie. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Si tu perds la foi, tu n'es plus dans la vie, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Le diable t'a eu. Mais dans les Hébreux, ils sont morts dans la foi, pas dans l'incrédulité. C'est celui qui va mourir dans la foi qui est sauvé. Parce qu'il faut garder la foi du début à la fin de ta vie. Parce que c'est par la foi que tu es sauvé. La foi, si vous voulez, c'est comme un billet d'avion. Si tu perds ton billet, tu ne peux plus monter dans l'avion parce qu'on va te demander le billet. Il faut que tu gardes le billet jusqu'à quand tu vas monter dans l'avion. C'est pourquoi c'est important. Dieu ne chasse personne. Attention à ton cœur. Il faut surveiller ton cœur. Il faut surveiller tes désirs. Attention. Que le diable ne remplisse pas ton cœur de l'amour, de l'argent. La Bible dit, beaucoup se sont égarés loin de la foi parce qu'ils avaient trop l'amour de l'argent. Et Jésus a dit, si quelqu'un aime son mari plus que moi, il ne peut même pas me suivre. Parce que le diable va passer par ton mari que tu aimes beaucoup là. Le diable va jouer avec lui pour que toi tu perds la foi. Et parfois ça marche. Je vous ai déjà parlé d'une femme que je connais et deux enfants mariés. On était dans la même église. Elle nous demandait, bien aimé, priez pour moi. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Mon mari découche, il ne dort plus à la maison. Et chacun de nous, on a commencé à intercéder. Quand le diable a vu ça, son mari était païen. C'est la femme qui était chrétienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a dit, ok, le diable, le monsieur découchait parfois un jour, deux jours. Et Satan a augmenté vraiment la dose au point où monsieur découchait même deux semaines. Quand la femme a vu que j'ai prié, mon Dieu, je veux perdre mon mari, elle a abandonné l'église. Prière, zéro. Quand on l'a croisée en ville, ma soeur, bonjour, mais je croyais que tu avais voyagé parce qu'on ne te voit plus. Elle était triste. Le diable a eu par son mari. Attention, le diable peut détruire ta foi. Le diable peut manipuler ta femme contre toi pour que tu perdes la foi. Le diable peut utiliser ton mari pour que tu perdes la foi. Le diable peut utiliser ton employeur pour que tu perdes la foi. Le diable peut te mettre les bâtons dans les roues. Tu as bossé. Tu vas passer le concours. Tu n'as pas réussi. Que tu es à l'université, l'école, tu as des problèmes. C'est le diable pour que tu perdes ta foi. Il faut que le chrétien arrive au degré de foi de Job. Nul, je suis sorti du ventre de ma mère. Nul, je partirai. Celui-là, le diable ne peut plus l'arrêter. Satan a dit à Dieu, Job est ton serviteur, il te sert, il te loue. Oui, mais si je touche aux richesses qu'il a là, tu vas voir, il va changer. Il a touché aux richesses. Job était toujours avec son Dieu. Il dit, oh oui, mais les richesses, d'accord, mais si je touche à sa santé, tu vas voir. Il a frappé Job de maladie. Job est resté avec son Dieu. Et quand le diable voit, c'est dit, celui-là, je ne peux plus l'arrêter. Que je touche les richesses, il est toujours avec Jésus. Que je touche son corps, il est toujours avec Jésus. Celui-là, je ne peux plus l'arrêter. Mon frère, ma soeur, ton corps est attaché à quoi? Parce que c'est là où Satan va frapper. Est-ce que tu vas résister? Le diable t'observe. S'il voit que toi, madame, tu es trop accrochée à ton mari, il va manipuler ton mari contre toi. Pour que tu dises, oh, j'ai prié, je ne vois pas Dieu agir. Je laisse tomber. Si tu aimes beaucoup ton boulot là, le diable va monter ton employeur, ton patron. Satan va le monter contre toi. Il va te détester sans raison. Le diable veut que tu dis, oh, mais ça fait longtemps que je prie, ça ne change pas. La peine ne vaut de prier. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Il faut être un élément, comment dirais-je, inébranlable. Que le diable touche ton corps, zéro, tu es avec Jésus. Que le diable touche, comment dirais-je, ton entreprise, tu es avec Jésus. Quand le diable voit, il dit, celui-là, je ne peux pas l'arrêter. Celui-là est un vrai enfant de Dieu. Parce qu'il n'est pas attaché aux choses de la terre. Parce que quand je touche à son emploi, il est avec Jésus. Quand je ferme le ventre de sa femme qui ne fait pas d'enfant, il est avec Jésus. Celui-là, son cœur n'est pas aux choses de la terre. Parce que quand je touche aux choses de la terre, ça ne lui fait rien. Ni frais, ni chaud, ni froid. Ça ne lui fait rien. Celui-là est un vrai enfant de Dieu. Celui-là a compris qu'il n'est qu'étranger et voyageur sur la terre. Celui-là, je ne peux plus l'arrêter. J'ai touché à sa femme. Sa femme est en train de divorcer. Mais lui, il est toujours avec Jésus. J'ai manipulé son patron contre lui. Il a perdu son emploi, mais il est toujours avec Jésus. Je croyais que si je manipule son patron contre lui, il va abandonner la foi. Il a été licencié de l'entreprise, mais il a toujours la foi. Je croyais que cette fille-là, si je l'empêche de faire un enfant, elle va abandonner la foi. Mais jusque-là, elle ne fait pas d'enfant, mais elle est toujours avec Jésus. Je croyais que celui-là, si j'envoie une maladie contre lui, va abandonner la foi. Mais la maladie est là, il est toujours avec Jésus. Quand le diable voit ça, il dit, vraiment, là, j'ai affaire à une fille, à un fils de Dieu. Parce que j'ai tout touché là, il est accroché à Jésus. Lui-là, on ne peut plus l'arrêter. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Le diable va t'arrêter par les choses de la terre. Il ne peut passer que par ça. Mais tant pis pour toi si tu es accroché là-dedans. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime sa femme plus que moi, il ne peut pas. Parce que le diable va passer par ta femme pour te combattre. Si quelqu'un aime ses enfants plus que moi, c'est impossible. Le diable va passer par les enfants. C'est ce que tu aimes le plus. Satan le sait. C'est là qu'il va attaquer pour que tu perdes ta foi. Satan se dit, oh, bon, si je passe par sa femme, l'homme là, il n'aime pas beaucoup sa femme. Ça ne va pas marcher. Si j'attaque sa voiture, oh, il n'est pas trop accro de la voiture, ça ne va pas marcher. Mais il est tellement obsédé à son entreprise, je crois que pour l'avoir, c'est par l'entreprise qu'il faut attaquer. C'est comme ça que le diable raisonne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ces choses de la vie qui avaient de la valeur pour moi, aujourd'hui, je les vois comme de la boue. C'est pourquoi le diable ne peut pas arrêter Paul. C'est pourquoi le diable n'a pas arrêté Job. Le diable t'observe. Moi, je ne fais que t'avertir que sur ce à quoi ton cœur est accroché là, c'est là que tu vas subir l'attaque. Parce que Satan veut détruire ta foi. Satan ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas. Et il se dit, ça ne peut, il ne peut perdre la foi que si et seulement si, là où est son cœur là, si je touche là, ça va marcher. Ça va marcher. Il aime trop l'argent. Si je bloque son compte bancaire, il est tout le temps dans les découvertes. Il va jeter l'éponge, il va abandonner. C'est pourquoi la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Et pourtant, la volonté de Dieu est que le beaucoup là soit sauvé. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais ce n'est pas Dieu qui va empêcher les gens d'être sauvés. C'est Satan. Il va passer par les choses de la terre. Il va passer par ton mari. Il va passer par ta femme. Il va passer par tes enfants. Il va passer par ton patron à l'entreprise. Il va passer par tes projets. Beaucoup vont laisser tomber parce que ça ne marche plus dans ce à quoi ils sont accrochés. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, béni soit le Seigneur pour ce genre de chrétiens. Ils n'ont pas obtenu tout ce que la Bible promet. Et oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne suis pas riche. C'est pas grave. Je n'ai rien. C'est pas grave. Celui-là roule dans les voitures de luxe. Moi, je n'ai pas ça. C'est pas grave. Je suis enfant de Dieu. Je roule dans la petite Golf. Mais lui, c'est un païen. Il roule dans les Rolls. Je m'en fous. Je ne suis qu'étranger voyageur. Je suis enfant de Dieu. Je suis seulement, comment dirais-je, directeur adjoint. Un païen, c'est le grand patron. Je m'en fous. Je ne suis que de passage. Ces personnes-là n'attachent pas de l'importance aux choses de la terre. Puisque la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Parce que si leur cœur était aux choses promises là, ils allaient perdre la foi. Ils n'ont pas obtenu les choses promises et pourtant ils ont gardé la foi jusqu'à la fin de leur vie. Parce que leur cœur n'était pas attaché aux choses promises. Sinon ils auraient perdu la foi. Ils n'ont pas obtenu aux choses promises et pourtant ils sont restés dans la foi jusqu'à la fin de leur vie. Toi, tu abandonnes la foi parce que tu ne fais pas d'enfant. Toi, tu abandonnes la foi parce que tu ne trouves pas un boulot. Toi, tu abandonnes la foi parce que ton mari a, comment dirais-je, a eu divorce. Toi, tu abandonnes la foi pour ça. Mais eux, ils n'ont pas obtenu les choses promises. Mais ils sont restés dans la foi jusqu'au jour de leur mort. Et ils sont sauvés. Toi, tu ne pries plus. Parce que ce que tu demandes, tu ne l'as pas. Mais eux, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Mais ils ont gardé la foi. Ce sont ceux-là qui sont sauvés. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Peu d'élus. Les élus, c'est des personnes déterminées. Le diable ne peut plus les arrêter par les choses de la terre. Mais comme toi, tu ne trouves pas un mari, tu as abandonné ta foi. Satan t'a eu par les choses de la terre. Attention, Dieu ne rejette personne. Les personnes vont perdre la foi parce qu'ils sont attachés aux choses de la terre. C'est pourquoi il y a peu d'élus et pourtant il y a beaucoup d'appelés. C'est pourquoi, mon frère, la parole de Dieu va s'accomplir. Oui, il y aura peu d'élus. Dommage, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais le diable va attacher ton cœur au chaud de la terre. Ah non, ma petite sœur est déjà mariée, moi la grande sœur. Je suis encore célibataire. Ah non, non, non, non, non, non, non. Oh Dieu, j'ai prié, prié, qu'est-ce que tu attends? Et puis on abandonne le Seigneur. D'autres ont fait leur choix. Ils ont épousé un mec, ou bien un homme a épousé une fille. Comme ça ne va plus à la maison, on accuse Dieu. Es-tu sûr que c'est Dieu qui t'avait dit d'épouser cet homme? Es-tu sûr que c'est Dieu qui t'avait montré cette femme? Toi-même, tu as fait ton choix, un choix charnel qui était basé sur le physique. Ton choix était sur le physique ou bien sur un intérêt financier. Tu l'as épousé parce qu'il avait l'argent. Il y avait un intérêt. Et comme ça ne marche plus, on accuse Dieu. Dieu n'y est pour rien, tu as fait ton choix. Tu as épousé cette femme parce qu'elle est belle. C'est toi qui s'es engagé avec elle. Dieu ne t'a rien dit. Et comme ça ne marche plus dans le couple, on accuse Dieu. Arrêtez d'accuser Dieu pour vos propres choix. C'est toi-même qui as choisi. Dieu n'était pas là-dedans. L'homme est libre de choisir. Et quand ça ne marche pas, oh Dieu fait ça. Pourquoi? Oh Dieu, j'ai entendu un homme parler. Un père de famille marié, 6 enfants. Oh Dieu, il priait dans l'église et il criait à haute voix. Oh Dieu, regarde mon foyer. C'est toi qui m'as donné Gertrude. C'est toi qui me l'as donné. Je dis, ne te l'a pas donné. Faut arrêter. Toi-même, tu as aimé cette femme. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Dieu nous donne la liberté de choisir. L'homme que tu as envie d'épouser là, c'est que tu l'aimes. C'est ton choix. La femme que tu as envie d'épouser là, c'est ton choix. Soyons honnêtes avec Dieu. Dieu t'a parlé combien de fois que c'est cet homme? Combien de fois? Tu vas te marier avec lui et si demain il y a des problèmes, tu vas accuser Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. C'est ton choix. Il faut assumer ton choix. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé le moissonnera. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Et toi, tu pries, quand tu ne vois pas l'exaucement de tel ou tel truc, tu tournes le dos à Dieu. Tu te refroidis. Tu perds le zèle que tu avais. Comme si Dieu fait le méchant. Mais non, eux, ils ont gardé leur foi jusqu'à leur mort, sans pour autant obtenir les choses promises. Mais toi, tu vas abandonner le Seigneur parce que tu n'arrives pas à faire d'enfant. Mais eux, ce n'était pas ça. Ils n'ont pas tout obtenu. Mais ils ont gardé leur foi jusqu'à la fin. C'est ça qui est important. C'est celui qui garde sa foi jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle de ta vie. C'est cette personne-là qui est sauvée. Pas les lâches. Pas des gens qui abandonnent en cours de route. Ces personnes-là sont déjà d'office disqualifiées. Tu ne seras pas sauvé. Mais eux ont gardé leur foi. C'est important, Hébreux chapitre 11. Sans pourtant avoir obtenu les promesses. Vous vous rendez compte? Parce que ces personnes avaient compris qu'ils n'étaient qu'étrangers et voyageurs. Ils avaient compris que bon, même si je n'ai pas ça, de toutes les façons, je m'en vais vers mon père qui m'a préparé une cité. Ce que je n'ai pas eu là, je l'aurai là-bas. Mon compte bancaire n'est pas garni ici, c'est pas grave. La cité qui m'attend a les choses meilleures. Ici, là, c'est la pourriture. De toutes les façons, le jour où ma mère m'a accouché, je n'ai rien amené. Et le jour où je partirai, je n'amènerai rien. Donc, c'est pas grave. Si j'ai juste le vêtement et la nourriture, ça me suffit. En attendant le jour où le Père va me prendre pour aller trouver la cité que le Père a déjà préparée pour moi. Je ne construis, je n'ai pas pu construire des maisons ici. C'est pas grave. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je suis en relation avec mon Dieu. Point barre. Je n'amènerai rien. Je ne veux pas avoir des insomnies pour les choses de la terre. Le jour de ma mort, je n'amènerai rien. Vanité des vanités. Bien-aimé, que le diable ne t'arrête pas par les choses de la vie. Si Satan est en train de te tenter maintenant, résiste au diable. Tu n'es que de passage, tu es enfant de Dieu. Ta cité, c'est de l'autre côté. Ce que Dieu attend de toi ici, c'est juste prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que tu n'es pas du monde. Même si on monte dans les mêmes bus, même si avec les mondains on monte dans les mêmes trains, on prend les mêmes avions, on travaille dans les mêmes entreprises, on est dans les mêmes universités, les mêmes lycées, même si on est de même famille. Il faut faire attention. Tu n'es pas du monde. Jésus te dit, tu n'es pas du monde. Mon fils, tu n'es pas du monde. Ma fille, tu n'es pas du monde. Jésus veut que tu mettes ça bien dans ta tête. Les élus sont sur terre avec les païens. Les élus et les païens font les courses dans les mêmes supermarchés. Les élus et les païens travaillent dans les mêmes entreprises. Ils sont dans les mêmes universités. Mais les élus ne sont pas du monde, eux ne sont que de passage. Tu appartiens à Jésus. Jésus est allé te préparer une cité. Tout t'attend le bonheur, le vrai bonheur t'attend là-bas. Le vrai bonheur, ne cherche pas le bonheur ici. Ne cherche pas le bonheur ici. Le vrai bonheur t'attend chez toi, chez toi, chez ton père. Le vrai bonheur t'attend là-bas. C'est pourquoi Jésus a dit, n'amassez pas des trésors là où le voleur peut voler. Mais amasser les trésors là-bas. Là-bas au ciel, il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de gardien d'immeuble là-bas. Il n'y a pas d'agent de sécurité là-bas. Il n'y a pas de vol là-bas. Le vol n'est pas là-bas. Il faut amasser les choses pour le royaume de Dieu. En faisant la volonté de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse.